Ça te rappelle-tu à quelle année on était à ce moment-là? Début des années 70, peut-être en 72, 73. 72 ou 73, peut-être pas 73, Jean-Pierre avait encore ses montées de thermomètre épouvantable. Jean-Pierre est né en 71. Ça fait que c'est en 72. Il est né dans l'octobre, donc... Il y avait ces montées de température. Ça doit être au début de 73. Il doit avoir un an et... Un an et quelque chose, puis il ne marchait pas encore. Fait qu'on était en train de déménager, tu rentres des boîtes, c'est en été. Et puis moi, je suis avec Jean-Pierre dans la maison. On était installés dans la salle à manger. Denise vient d'arriver, c'est trop chaud dehors, on s'installe dans la salle à manger, il n'y a pas de table encore, ni juste deux chaises. On avait ce qu'il fallait parce qu'on était toutes les deux assis sur les chaises, chacune une chaise, puis Jean-Pierre était à terre. On faisait un triangle. Denise d'où à la chambre, la future chambre de Jean-Pierre, moi, et moi, dos à l'entrée, et puis Jean-Pierre faisait un triangle avec les autres, un peu plus loin dans la cuisine. Fait qu'on jasait du déménagement, puis de fêtes d'hiver. Puis à un moment donné, ben, Denise me demandait, voyez Jean-Pierre qui jouait devant nous autres. Elle dit, Jean-Pierre, ça va bien? Parce que c'est vrai qu'il faisait une montée de température chaque mois. Mais quand exactement, ça? Fait que je dis oui, tu vois. Il était en pleine forme. Pas de température anormale. La figure, la tête, bien normale. Puis il jouait, puis il gazouillait. Bon. On continuait à jaser. Je sais pas exactement combien de temps on a jasé comme ça. J'étais en train de raconter quelque chose à Denise, mais je me souviens pas du tout de ce que ça dont je parlais. Parce qu'à un moment, Denise, elle me coupe. Je la regardais. Là. Elle me coupe, elle disait, regarde, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Il était rouge, quasiment rouge-vin. Ça veut dire qu'à l'espace de peut-être en moins de 5 minutes, peut-être 3-4 minutes, il est parti de température normale à 104. À 104, c'est grave. C'est très grave. Un bébé là, qui monte à 104, là, là, Denise, ça l'a estomaqué, elle ne parlait plus. Elle la regardait. Là, je t'ai appelé. Puis, dans ce temps-là, tu venais vite. Parce que c'était peut-être le thème de ma voix, je ne sais pas. Tu es arrivé. J'ai dit, Jean, de la glace. Son lit. De la glace, ça presse. T'as porté un sud. Tu vois, t'as vu, Jean-Pierre? Là, Jean-Pierre, il continuait à jouer, mais slow motion, tu sais? Ben, lentement. Puis il arrivait pour faire quelque chose devant lui, puis. Et il s'appuyait sur ses mains parce qu'il était pour tomber. Le prendre dans mes bras, je le réchauffais. Denise a chéqué demain, mais... Il était revenu rapidement. On était sur la rue de Carignan, tu savais où trouver de la glace. Fait que... T'as apporté son petit lit, ça, c'était sur le dessus de la pile, là. Dans la chambre. Et puis... On lui a fait un lit plein de glace. On l'a couché dessus, puis on a remis de la glace par-dessus. Moi, je trichais, je mettais un polythène entre la glace et lui pour pas que des coins de glaçons puissent le blesser. Puis la dame, ça disait, tu le mettras pas là-dessus. Tu le mettras pas là-dessus. Elle dit, oui, faut le faire. L'as-tu déjà fait? Tous les mois. Tous les mois, on le met sur la glace. Puis là, ben, on met de la glace par-dessus. Elle s'assise, là, puis elle parlait plus partout. Fait là, on a surveillé la température. Elle a surveillé avec un thermomètre, puis dans le fond, ça allait regarder, on savait quelle température il y avait. Ça faisait un an et... Un an et un ou deux mois. Ça arrivait tous les mois réguliers. Autrement dit, on est sorti de l'hôpital avec, après sa naissance. On l'a amené là, dans l'appartement qu'on avait loué. Il y avait sa chambre, elle était toute bien installée. Il y avait Père André qui avait mis sur un mur dans sa chambre un tableau qu'il avait fait pour lui, pour Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. Et puis il y avait son petit Moïse que ma tante Albertine, ma tante Glacine avait préparé. Un Moïse en paille tressée, là. Et puis, il avait cousu de la soie ou du satin à l'intérieur, tout le tour, tout plissé autour. Puis, il avait fait un coussin dans le fond, sur mesure. Un petit oreiller plat pour pas que ça lui fasse mal dans la... crochir le dos, là. Puis là-dessus, ben, il y avait un petit chapeau, là. Il avait tout fait aussi comme le berceau au complet. C'était magnifique, ça. Il y avait peut-être à quelque part dans le sous-sol, là, cet endroit-là. Parce que François est arrivé. On ne savait plus où il était. Et c'est secondaire. Fait que là, Jean-Pierre... François, il est arrivé à Montréal. Hein? François, on était à Montréal quand François est arrivé. On était à Montréal. Oui, mais le Moïse, ça ne l'avait plus. Hein? Ben, on l'avait prêté. Ah, oh, ça se couche. Comme le petit lit qu'on avait de chez nous, là, quand moi j'étais petite, pour André, Jean-Guy et moi, on a passé dedans. Et puis quand c'était moi qui étais dedans, faut parler de ça à François. Maman, il avait demandé, parce qu'il a 5 ans plus que moi, elle lui a demandé de me surveiller, de prendre soin de moi, parce qu'elle avait je sais pas quoi à faire dans la cuisine. Et puis, j'étais dans ce petit lit-là. Mais il y avait deux roues à un bout, ce lit-là, à l'origine. Il n'y avait pas eu de problème avec. Il était juste la bonne grandeur pour garder la chaleur autour d'un bébé. Mais reviens donc au déménagement. On avait-tu été à l'hôpital? Hein? Est-ce qu'on était allé à l'hôpital avec François, avec Jean-Pierre? Tu penses qu'il est né à quel endroit? La journée du déménagement avec Denise. Non. C'était la journée habituelle de la température qui monte à 50. Parce que souvent, on allait à l'hôpital. Tous les mois. Est-ce que Jean-Guy vous avait dit c'est un gars ou une fille? Êtes-vous certain que c'est un gars? C'est lui qui avait eu la meilleure joke dans ça. Et tous les mois, sauf le premier mois, il était correct. Le deuxième était correct. Le troisième, la température a monté. Et là, on s'est ramassé à l'hôpital à vitesse, OK? C'était la première fois que ça arrivait, là. T'as appelé à l'hôpital, docteur Thibodeau. Il a dit, venez-vous-en. Prenez le temps, là. Ça, c'était bien sérieux, lui, hein. Prenez le temps. Je vous attends. Comptez pas le temps que ça prend. Je vais rester à l'hôpital tant que vous ne serez pas arrivé puis qu'on n'aura pas réglé le problème. Tu te rappelles de ça? Ouais, c'était lui, ça. Hein? Ça, c'était lui, ça. Fait que ça a servi à différentes fois. Puis là, Jean-Pierre, la première fois que c'est arrivé, on arrive pas en courant. On arrive à l'hôpital. Et là, on a vu quel tempérament qu'avait Jean-Pierre. On arrive à l'hôpital, il faisait plus de température. Il y avait 104 à la maison. Puis entre les deux, il y avait quoi, de 5 à 10 minutes, pas plus, on n'était pas loin. C'est pas vrai. Il nous l'a fait ça bien des fois. Il y avait une fenêtre dans la salle d'attente, là, une fenêtre vers le bas, là. Donc, ça se voyait dans cette fenêtre-là. On voyait la température baisser. On voyait sa température baisser, rouge partait. Ça descendait. Là, ben, à un moment donné, le docteur disait, venez-vous. Je me souviens, la première fois, il était tout dans son habit d'hiver, en un morceau. Le capuchon, puis les mitaines, puis les papates, puis la tête aux pieds. Fait qu'en arrivant à l'hôpital, ben là, je pense à ça, là. Il est né au mois d'octobre, le 4 octobre. Et puis la première fois qu'on l'a amené à l'hôpital, parce qu'il était rouge comme un coq, c'était au début de l'hiver. Il devait avoir 2 mois, peut-être 3. Je me rappelle qu'on était dans la fenêtre, on le désabriait, on le déshabillait parce que là, il aurait surchauffé. À mesure qu'on le déshabillait, il pâlissait. Comme si on l'avait trop amitouflé pendant bien longtemps, puis qu'on avait été des bien mauvais parents. Ça faisait 10 minutes qu'on avait réussi à y fermer son habit d'hiver. À l'hôpital, là. On n'avait pas mis de glace cette fois-là, parce qu'on ne savait pas. Fait que le docteur avait dit de l'amener dans sa salle d'examen. Il avait examiné la tête aux pieds, la température d'un bout à l'autre, tout en y parlant. Il parlait tout le temps, hein, quand il faisait un examen. Là, il parlait de sa température. Fait que là, toi, tu nous as excusés auprès du docteur. Tu as dit, il était vraiment rouge, là, comme une tomate, quand on est parti, quand on vous a téléphoné, puis qu'on est parti. On y a mis son habit dehors, c'est l'hiver. On arrive ici, il est encore rouge. On désabrit. Parce qu'on veut pas qu'il y ait une surchauffe, je sais pas quel mot t'avais pris. Ah, ça arrive, c'est normal. C'est normal. Pas de montée à 104. Paul sait, ma température, comme les apprenait, lui, elle était encore à 104. Ça, c'est pas normal. Et puis, quand ça monte comme ça, là, vous allez nous expliquer le lit, au fond du lit, à plein de glace, le bébé dessus, puis de la glace pour dessus le bébé, le plus rapidement possible. Vous avez dit, gardez-vous tout le temps une réserve de glace. On n'avait jamais assez. J'avais l'examen, puis c'est parfaitement normal. T'es en bonne santé. Je vais faire des analyses. J'analyse d'urine et puis je sais pas quoi. Lui était moins surpris que Denise. Denise, les autres, on était plus surpris que sa température monte. Oh, les cieux. On était habitués, ça faisait plus qu'un an. La première fois, ça, on n'était pas habitués. Puis quand je dis on était habitués, c'était. On était habitués au phénomène qui allait se produire, de s'y attendre. On ne s'habituait pas à voir la température monter à une vitesse de fou. Tu sais, Denise, là, on jasait, là. Et puis, elle la regardait quasiment tout le temps quand on jasait. T'es devant elle, là, à terre. T'es assis, puis jouait. Va t'asseoir à terre, puis me mettre un jouet, tu dormiras pas. Mais Jean-Pierre était heureux, ça allait bien. Elle avait pris, puis il avait accepté de se faire prendre par elle. C'est la première fois, mais ça ne l'a pas dérangé. Il a vu que on s'entendait bien. Il a vu qu'on n'était pas dans la même maison. Il a regardé partout. Ça a eu l'air à faire son affaire. Il a vu qu'il y avait des jouets dans la cuisine, dans la salle à manger, là, au lieu d'avoir une table. Je ne savais pas qu'il y aurait une table un jour, là, mais ça allait bien. Et puis là, l'heure est arrivée de monter la température. C'est la première fois, c'est le jour du déménagement. OK? Disons que on se serait passé de l'un ou de l'autre. Que ça arrive pas en même temps. Puis, ah oui, j'avais dit à Denise qui m'a demandé comment ça allait, ça pas Jean-Pierre, ça va bien. Sauf quand la température monte. Puis là, ça devrait être ces jours-ci. Comment ça se fait que tu sais ça? C'est tous les mois réguliers. C'était le jour là, du mois, plus ou moins deux. Fait que là, ça va être aujourd'hui ou demain. Ça faisait peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure que j'y avais dit. Elle regardait. Il est bien correct, là. Il joue, il est bien de bonne humeur, ça va bien. Peut-être qu'on a été 2, 3 minutes à ne pas le regarder. Ping! Il était rouge. À la suite, c'est arrivé de moins en moins souvent. Mais je peux te l'expliquer, moi. Ça a été régulier à partir du troisième mois. Il n'a pas pu avoir ses vaccins dans nos bébés, là. Parce qu'à partir de là, les vaccins en question, il fallait qu'ils soient. Il n'a pas fait de température depuis au moins 15 jours. C'était un minimum. Et puis, pour lui donner quand même son vaccin, il fallait qu'il passe un examen à tout casser. Fait que moi, je leur ai dit, ben, on a un médecin pour lui, là, un pédiatre, qui le voit régulièrement. Fait que s'il fait de la température excessive, là, il s'en occupe. Mais je vous garantis pas que ça arrivera pas régulièrement. C'est parti pour être bien régulier. Je savais plus comment le dire, il me rappelle. Il m'a regardé à bouche ouverte. Je prédisais que mon bébé il ferait la température à 3 mois. Ben ouais. Le docteur me l'avait dit. Et puis, effectivement, Jean-Pierre, il a eu la première dose de vaccin, mais il n'a jamais eu la deuxième. Parce que ça faisait pas assez longtemps que la fièvre qu'il avait eue était tombée. Et comme ça venait régulièrement 3 mois, ben là, ils m'ont dit de plus y aller. En même temps, Hein? ça devait l'immuniser en même temps. C'est exactement ce que le docteur Thibodeau nous avait dit. Tu dois t'en rappeler. Ça faisait à peu près un an comme ça, là, les montées de température, puis la glace, tout le kit. Puis à une visite, on était là tous les deux. Il nous a dit, dans son bureau, ce petit gars-là, là, il est en train de s'immuniser contre toutes les maladies des bébés, puis des plus vieux aussi. Il va avoir une très bonne santé. Il n'y aura pas les maladies des enfants. Il est champion dans le domaine. Effectivement, il n'y a jamais eu de maladie de bébé plus vieux, là, la rougeole, la rubéole, la picote. Il n'y a jamais eu ça, ces maladies-là. Il était à maternelle, à tout bout de champ. Il nous envoyait un billet, là. Mais là, il y a une épidémie de rougeole. Faites attention. Jean-Pierre était en pleine forme. Il a amené un microbe à un moment donné parce que François a attrapé, sans être sorti de la maison, il a attrapé une maladie qu'il avait à maternelle. Allez voir le docteur. Il dit, il est bien jeune pour avoir cette maladie-là. Hein? On ne savait pas, nous autres, là, à quel âge vous devez avoir ça. Il va à maternelle, là. C'est pas à maternelle, c'est la. Après. Oui, c'est à maternelle. On dit oui, il va à maternelle. Bon, ben. Non, il n'y allait pas encore à maternelle. C'est Jean-Pierre qui allait à maternelle. Fait que. On lui a dit, c'est Jean-Pierre qui va à maternelle. Ah, OK, c'est lui qui a apporté ça. Bon, il est en pleine santé, là, lui. D'ailleurs, il était avec nous autres. Il est en bonne santé. Il la regarde. Il dit, toi, t'es immunisé. Ça veut dire que tu n'auras pas ces maladies-là. Mais, apporte-les pas à ton frère, parce que lui, il n'est pas immunisé. Jean-Pierre l'a regardé. Te souviens-tu la fois qu'il avait voulu prendre un échantillon d'urine dans le bureau du docteur? Réfléchis, là, puis suis-moi, tu vas t'en rappeler. Il passe un examen général, là, comme il faisait régulièrement chaque mois. Ça mieux pas le dire plus fort. Et puis Jean-Pierre, ben, là, il est plus grand, là. Il marche, puis il joue, bon. Fait que le docteur, il demande de faire un pipi. Jean-Pierre le regarde, puis il dit pas un mot. Fait que là, le docteur, dit, on va t'en faire faire un, moi, puis ouvre le robinet du petit lavabo qui est à hauteur des enfants. Il fait couler de l'eau froide. Il dit, là, tu vas en faire. Là, Jean-Pierre, il voit au robinet, hein? À l'eau. Il fait des piaf-piaf avec les mains dans l'eau, dans le lavabo. Ouvre le plus grand le robinet, ferme le robinet, rouvre le robinet. Et 20 minutes plus tard, le docteur, il dit, il parlait toujours à Jean-Pierre dans ce moment-là. Lui. Bon, mais mon vieux, là, tu vas fermer ça, ce robinet-là. Là. Normalement, tous les enfants, quand ils écoutent et voient l'eau couler, font pipi dans les couches. Toi, ça marche pas. Fait que je vais m'arranger avec le reste, là. Il ferme ça, là. Essuie tes mains bien comme faut. Avec sa grosse voix, là. C'est drôle de le voir parler à un enfant, là. Jean-Pierre, là, tout ça, il a tout écouté ça bien comme faut. Il a fermé le robinet. Il l'a regardé. Puis là, le docteur a fait un air qui avait l'air à rire, là. Le Jean-Pierre, il roule le robinet. On était trop à rire. Puis Jean-Pierre était tout content. Il remet dans l'eau. Il recommence à t'approcher dans l'eau. Le docteur prend sa grosse voix là. Et Jean-Pierre ferme le robinet puis ouvre-le pas après. Ah ben il écoute. Il va s'essuyer. Non, il s'est secoué les mains la deuxième fois. Il a trouvé que ça faisait plus. Il y avait plus de fun de même que d'une serviette. Fait que cet examen-là, il a fini là. Mais les montées de température régulièrement, tous les mois. Comme Denise l'a constaté. Ah ben, vu que c'est pas nous autres qui le réchauffait, là. On était bien dans la cuisine parce qu'elle avait été fermée longtemps. Puis c'était frais. Fait que c'est pour ça qu'on était là tous les trois. Ouais, c'était le jour du déménagement. On avait décidé de déménager le lendemain de la nuit où Jean-Pierre avait fait des vagues dans son petit parc, là, avec un coussin qui a morti le choc, mais il ne sautait pas. Il faisait juste se lever sur le bout des orteils puis se redescendre. Le bout des orteils descend. Puis il faisait attention pour pas faire de bruit. Ça, il avait compris ça. Mieux qu'on pensait. J'étais à côté, moi, à un pied et demi du parc. Fait que j'avais le bout des doigts sur le coin qui était dans la cuisine. Il n'y avait aucune vibration. Mais il sautait pas. Puis l'engueulade du pompier propriétaire. J'ai pas dormi la nuit parce que bébé a fait des bang, bang, bang, bang, bang au-dessus de notre tête toute la nuit. Sa chambre était en avant, en dessous de notre chambre. Puis là, on était la moitié du parc dans la cuisine. L'autre moitié dans le corridor avant la salle de bain puis l'autre chambre. Fait qu'il pouvait pas avoir dormi à cause de ça. On s'est pas consulté longtemps. On déménage. Et je sais pas comment ça se fait. C'est peut-être la semaine suivante que ta mère te dit. Là, je vais vendre ma maison, là, puis je vais l'offre en premier. Es-tu là? Ah ouais. Ah ouais? Oui. Lève ta palette de casquette, que je te vois. Ça fait un côté grec, alors c'est le même. C'est les Grecs, on les voit tout le temps des... C'est comme ça qu'on a décidé de déménager. La date, on l'a fixée sans penser aux montées de chaleur de Jean-Pierre. C'était décidé rapide, là. Fait que les démarches de financement et tout le kit, là, ça s'est fait bang-bang. Et le jour du déménagement, il y a sa montée de chaleur. Un mois plus tard, quel déménagement. On est tout installé là. Je vais te l'enregistrer autrement. Moi. Je vais arrêter tout de suite après. C'est là le final. Un mois après. Le déménagement et la montée de température de Jean-Pierre. On guette la nouvelle montée de température. Là, on a la date exacte de la précédente, parce que c'était le jour du déménagement. Le mois passe. Pas de montée de température, ni avant la date prévue, ni après. Il avait eu sa dernière montée de température le jour où il a quitté la maison sur Ernest Robitaille, puis qu'il est arrivé sur Carignan. Il n'a jamais fait d'autre. Et la dernière fois qu'il l'avait faite, le docteur nous avait dit, docteur Thibodeau, vous avez changé, on l'appelle pour prendre rendez-vous avec la température qui a monté. Il nous dit au téléphone, où est-ce que vous êtes rendu? Vous vous rapprochez de l'hôpital d'après votre nouveau numéro de téléphone? Il nous prend au dépourvu. C'est vrai qu'on se rapprochait de l'hôpital. C'est une bonne précaution, mais vous ne devriez pas avoir à venir aussi souvent. Cette phrase-là, je l'ai jamais oubliée. Parce que ça correspondait au fait qu'on n'est pas retourné pour ça. Jamais d'autres températures qui montent que de lits de glace. Donc, c'était vraiment l'air de la maison. Dans cette maison-là qui était neuve, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et puis, le docteur Thibodeau, la fois d'après, on l'a vu, là, parce que je sais plus quoi, j'en rappelle. Ça faisait un bon bout de temps là, qu'on l'avait pas. On n'était pas allé le voir. Sauf la fois de la déménagement. Le docteur, quand on l'a revu, il nous a dit, oh, peut-être ce jour-là. Il nous a dit, la dernière fois que je vous ai vu et que j'ai vu Jean-Pierre, on n'avait pas besoin de donner son nom, là, il savait par cœur. Hein. Je vous avais dit que ça c'était vrai, on s'en est rappelé tous les deux. C'était encore à RDS Repitant. Et il nous avait dit, je vous ai dit que j'ai tout fait le tour. Tous les examens possibles, je les ai faits passer à Jean-Pierre. Toutes les analyses possibles, je les ai faites. C'était pas ça le problème. Je vous avais demandé où vous habitiez. J'avais dit, c'est un deuxième étage, un bloc tout neuf, on était les premiers locataires. Il n'y avait pas de restants des locataires précédents. Et puis je vous avais dit que je ne voyais pas autre chose que l'endroit où vous habitiez. qui causait ces montées de température-là chez votre garçon. Il y avait quelque chose dans cette construction-là que le, votre petit gars n'acceptait pas. Il y avait une allergie à quelque chose. Hein? Il y avait une allergie à quelque chose. Que, donc, la nouvelle construction, là, elle n'avait pas fait ses preuves. Hein? Mais je me rappelle aussi qu'on ne l'a jamais dit au propriétaire que c'était sur le champ.